Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marivonna Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient un réflexe. Cette semaine, l'islam sur le divan, une série de Seam Boutata réalisée par Alexandra Longuet avec la bourse Gulliver. Au départ de cette série, il y a une documentariste aux origines syriennes qui se demande pourquoi elle refuse de s'allonger sur le divan. Et l'envie de savoir si d'autres, qui se sentent appartenir au monde musulman, sont eux aussi réticents. Et puis l'envie d'explorer les villes, les langues, les cultures et l'histoire de l'Orient et du Maghreb pour voir où finit par se nicher l'espace de l'analyse dans le parcours de chacun. Et enfin se demander si cette science bourgeoise, judéo-chrétienne et européenne peut réellement s'adapter partout, ou si peut-être sous d'autres noms et avec d'autres usages, elle n'existe pas déjà, plus ou moins, depuis longtemps, un peu partout. Alors pour commencer, les personnages. Une mère qui a du répondant, mais qui doute. Une journaliste tombée dans un trou noir. Une analysante tardive. Une retraitée qui a eu besoin d'aide. Et un écrivain qui se méfie de son milieu, mais aussi de lui-même. Et des analysants qui ont peur de trahir une part d'eux-mêmes. Ensuite, le décor. La Mecque comme thérapie, des mondes qui ne se rencontrent pas toujours, des usages bourgeois, la peur de se perdre, l'analyse comme des heures perdues, la peur de creuser l'inconscient, l'individuel face au collectif et un peu de Syrie et de Maroc. Aujourd'hui, 4e épisode, on est à Paris. Psychanalyse. Ben vous, ici, le divan. La psychanalyse, quoi. Je trouve ça débile. Pourquoi vous êtes venu alors? Le mot conscience, le mot identification et le mot même sujet n'existent pas dans la pensée arabe. Vous ne m'avez jamais comprise. Est-ce que vous pensez que l'islam et la psychanalyse sont compatibles? Est-ce qu'on peut faire une analyse sans se sentir citoyen? C'est pas en arabe qu'on trouvera des difficultés pour traduire censure et refoulement. À Paris, le besoin de croire. Dis-moi maman, tu sais ce que c'est la psychanalyse? C'est pas pour les fous ça? C'est pour les fous? Ma mère, Mariam Dergham. Si ce n'est pas pour les fous, je ne sais pas. C'est pourquoi? Je ne sais pas, pour ceux qui ont des problèmes à résoudre. Tu n'es pas forcément fou. Psychanalyse? Qu'est-ce que c'est, psychanalyse? Ouais, c'est une branche de la médecine. Oui, pour les fous. Psycha. Psycho. Oui, psycho, oui. Pour, psychanalyse. Mental, quoi, non? Oui, mental, voilà. Bah, c'est pour les fous, oui. Ce sont les marabouts de l'Europe. Les psychanalystes. Oui, ouais, c'est possible. Ouais. Tu connais des gens qui vont voir des psys? Non, je connais pas. Non. Et toi, t'es déjà allé voir un psy? Ah non. Non, il manque plus que ça. Et alors, en Syrie, ils vont voir des psychanalystes? Je n'en sais rien. Nous sommes d'un village, on ne sait pas ce que c'est, ni psychanalyste, ni psychologue, ni psychanalyste. Et alors, ils vont voir qui, les gens qui ont des problèmes? Mais ils n'ont pas de problème. Pourquoi tu veux dire? Psychique. Mais il n'y a pas de problème psychique. Ou alors, parce qu'ils... Moi, je ne sais pas, mais c'est nouveau, ça, psychologique. Ça, c'est pour les gens qui ont vraiment envie d'avoir des problèmes pour aller chez le psychologue. Hein? Ta mère ne croit pas trop à tout ça. Ça, c'est comme le film sur Brigitte Bardot. Si elle a été ceci, cela, c'est parce que sa mère ne lui a pas donné assez d'amour. Ça va, hein? Tu sais très bien que je ne suis pas pour ces trucs-là. Moi, quand j'étais agressée dans le 18e, vous vous souvenez tous lorsque vous êtes venus à la Riboissière. Je suis allée voir Docteur Belon. Et puis Belon m'a beaucoup conseillé d'aller voir un psychologue. Et bien, j'ai dit, si je ne veux pas m'en sortir par moi-même, je ne m'en sortirai pas. Qu'est-ce que je vais dire à ce psychologue? Que je suis allée parce que j'étais agressée, en fait, question et réponse. Non, mais peut-être que parler, ça fait du bien. Écoute, ça, c'était pas fait, puis je ne suis pas pour autant, je ne suis pas malade. J'irai pas voir un psychologue pour blornicher, pour engraisser le psychologue. Pourquoi? À Paris, la psychanalyse est monnaie courante. Ici, on va chez le psy comme on va à la salle de sport. à la croisée de différentes histoires, comment la Société française de culture musulmane perçoit la psychanalyse en France? Est-ce facile de s'allonger sur un divan? Doit-on nécessairement mettre à distance sa culture d'origine pour entamer un travail psychanalytique? Évidemment, l'immigration n'est pas un bloc homogène. Si certains y trouvent une aide pour concilier leurs différentes identités, d'autres n'ont pas confiance en cette thérapie, ou n'y croient tout simplement pas. Je suis d'origine marocaine par mon père et par ma mère, qui sont tous les deux des Marocains pur jus. Et moi, je suis née en France. Ilham Taoufiki, journaliste. Aux alentours de 2001, j'étais tombée dans une espèce de trou noir. D'ailleurs, j'en ai plus vraiment aucun souvenir. J'ai totalement refoulé cette période. Et j'étais dans une espèce d'état dépressif, mais comme jamais j'ai vécu, je crois. Je sais pas par quel biais, je me suis retrouvée à aller consulter une psychothérapeute. Et ça a duré quasiment 2 ans, qui était a posteriori un peu légère intellectuellement. Mais cela dit, ça m'a permis quand même de rebondir. Est-ce que tu avais l'impression de transgresser un interdit vis-à-vis de ta culture d'origine en allant consulter un psy? Non, absolument pas. Alors effectivement, je viens d'une famille donc d'immigrés marocains, sans éducation. Ma mère était l'équivalent d'une femme de ménage. Elle n'avait pas cette culture-là, mais j'ai de par mon parcours scolaire, en fait, pu rencontrer quelqu'un qui s'appelle Aurélien, à Hélène Boucher. Hélène Boucher, c'était déjà un milieu assez bourgeois. Et la mère de cette amie était psychanalyste. Donc je me souviens qu'on avait de grandes discussions autour de ça. Moi, ça me fascinait. Et puis, je me souviens qu'Aurélien me faisait une espèce d'historiographie de la psychanalyse très doctement, même si je pense qu'il n'en maîtrisait pas tous les concepts. Mais en tout cas, il m'a fait découvrir les noms de Freud, de Jung, de Lacan, de tous ces gens-là. Donc j'étais familière avec ça. Et puis moi, je me suis extraite assez rapidement de mon milieu familial. À 17 ans, je suis partie de chez moi. Donc j'ai été marquée culturellement par ma famille et par mon milieu. Mais je m'en suis extraite assez rapidement et je me suis libérée de certains carcans mentaux ou intellectuels, en tous les cas. Donc j'ai jamais eu le sentiment de transgresser ça. En revanche, je sais que j'étais un petit peu un ovni dans la famille. Surtout que je te disais que j'avais fait 2 ans de psychothérapie. Et puis en 2007, j'ai rechuté. J'ai fait une terrible dépression, pareil. Je suis tombée dans un autre trou noir. Pas aussi profond que la première fois, mais quand même assez vertigineux, en fait. Et cette fois-ci, je suis allée voir une femme. Là, c'était une psychanalyse que je faisais. Alors, je sais pas si c'est elle qui m'a sauvé la vie. En tous les cas, la psychanalyse, moi, m'a sauvé la vie. Quand on passe de la psychothérapie à la psychanalyse, déjà, on n'est pas du tout dans le même univers intellectuellement, c'est quand même beaucoup plus exigeant. Et là, effectivement, quand j'en parlais, j'étais la seule d'ailleurs dans ma famille à avoir pris cette voie, quoi. Et c'est vrai que j'étais confrontée un peu à de l'incompréhension. Ma sœur aînée prenait ça avec dérision, pour elle c'était une preuve de faiblesse en fait. Que d'aller voir un psy, c'était admettre qu'on avait des failles et qu'il fallait se faire aider. Cela étant dit, peut-être 6 ans plus tard, elle y est allée aussi. Et est-ce que tu te souviens donc de la réaction de tes proches quand tu leur as dit que tu allais consulter? Ma mère, une fois, j'étais passée chez elle. Puis je devais partir rapidement parce que j'avais rendez-vous chez ma psy. Peut-être que je lui ai dit assez brutalement, mais c'était ma façon à moi de faire mon coming out. Elle m'a dit, mais tu vas où? Je fais, écoute, j'ai rendez-vous chez ma psy. Et elle m'a dit, mais tu vas chez un psy? Mais t'en as pas besoin, t'es pas folle. Et là, j'étais dans les débuts de ma psychanalyse, donc j'étais extrêmement en colère parce que tout remontait, et notamment en colère contre elle. Et j'ai hésité entre l'éviscérer, lui arracher les yeux ou rien lui dire. Mais finalement, je lui ai dit, écoute, si, j'ai beaucoup de problèmes et tu es pour quelque chose. Et je me suis barrée. Et on n'en a plus jamais reparlé jusqu'au jour où elle m'a demandé des contacts, elle, pour aller voir un psychothérapeute parce qu'elle n'allait pas bien. Ma mère, qui est quand même un alphabète, qui aujourd'hui est voilée des pieds à la tête, qui va à la Mecque comme on va au supermarché. Donc elle, malgré cette culture, elle est allée voir des psys à plusieurs reprises. Finalement, il n'y avait rien d'aberrant. Parce que même ma propre mère a trouvé bon, à un moment donné de sa vie, de se tourner vers l'art. Alors, je pense que c'était plus de la psychothérapie, mais peu importe, elle est allée voir un psy. Et venant de son milieu, c'est quand même la preuve d'une certaine intelligence, moi, je trouve. Et elle m'a avoué qu'elle avait essayé d'envoyer sa propre mère, elle, en psychanalyse. Bon, je pense que ça n'a pas marché, ça, en revanche. Akima, la mère d'Ilham. Pour moi, ça a été très difficile d'aller voir un psy. J'ai mis du temps pour aller voir ce psy, pour lui raconter. J'avais pas envie d'aller voir quelqu'un que je connais pas, que je vais lui raconter ma vie. Qu'est-ce qui m'est arrivé, Et je vois quand je suis allée, ben, ça m'a fait du bien. C'était en quelle année, tu te souviens? J'ai commencé en 1993. Ça a duré à peu près 2 ans. Et j'ai arrêté parce que j'en avais marre de raconter ma vie. Tu vois, ça vient, ça part. Si j'ai envie de parler, j'y vais. Mais des fois, j'avais le voir et je lui dis, mais j'ai pas envie de vous raconter ma vie. Tu sais, t'as des choses que t'as pas envie d'en parler à personne. Et moi, je t'assure que il y a des choses que je garde pour moi, que même mes enfants, ils ne savent pas. Je peux pas le parler. Je peux pas faire confiance aux gens comme ça pour leur dire. Et avec lui, bon, ça allait petit à petit jusqu'à que... Mais je t'assure que ça fait du bien d'aller voir quelqu'un et tu sais que tu peux parler de tout et de rien et tout. Ça reste là, dans son cabinet, voilà. Puis après, quand j'ai passé à la retraite, toutes les deuils que j'ai eus, je les ai finis à Mecca, à la Mecque. Je partais pour 2 mois, 3 mois et ça m'a fait beaucoup de mieux. Et j'ai abandonné tout. J'ai abandonné le psy. Il n'y a que là-bas que j'étais bien. Donc la Mecque a remplacé le psy. Ah, la Mecque a remplacé le psy. Le livre du Coran, tu vois, je l'ai tout le temps avec moi. Et quand ça ne va pas, c'est mon seul arme. Et je me sens si bien quand je prends mon livre du Coran. Et je lis, et ça m'a fait beaucoup de bien. Mon seul remède de la vie, c'est le Coran et la Mecque. C'est tout. L'installation de la psychanalyse vient lorsque vous avez des hommes et des femmes qui s'inscrivent par l'instruction dans une théorie scientifique du monde. Fethi Ben Slama, psychanalyste. Et à ce moment-là, eh bien, ils peuvent devenir des sujets accessibles à l'analyse. Parce que l'analyse demande beaucoup. Elle demande que les gens se pensent comme eux-mêmes porteurs de ce qui leur arrive et d'entrer dans une rationalité. La psychanalyse est très rationnelle, même si elle affronte tout ce qui n'est pas dans la raison de la conscience. Il faut vraiment avoir cette conception-là, cette logique-là. Je crois que, tout simplement, la psychanalyse s'installe là où les gens ne mettent plus tout sur le dos de Dieu. Quand ils commencent à se dire que leur culpabilité, le pardon, tout ça, c'est pas seulement Dieu. Ils peuvent être croyants, mais ils prennent la responsabilité de leur psyché, leur psychisme, et qu'ils pensent qu'ils peuvent modifier et changer leur destin, qu'ils peuvent donc faire quelque chose avec un autre humain pour alléger leur souffrance. Donc, ce n'est pas tellement, au fond, la religion. Il faut qu'il y ait une forme de religion réfléchie qui soit présente. Les gens disent « Ah, la psychanalyse, elle est contre Dieu, etc. » C'est pas vrai. Nous avons des patients qui sont croyants et ils ne deviennent pas athées parce que ce n'est pas ça, l'enjeu. C'est introduire cette dimension de la spiritualité réfléchissante. Les gens peuvent garder la foi. Et est-ce que vous pensez que pour commencer un travail psychanalytique, une mise à distance de sa culture d'origine est un prérequis? Non, il n'y a aucun prérequis. La seule chose, c'est que quelqu'un reconnaît à un moment donné qu'il est en train de vivre quelque chose d'insupportable et que quelqu'un d'autre peut l'aider. Et il n'y a pas de distance particulière. Moi, j'ai reçu des femmes qui savaient à peine lire et écrire, qui étaient voilées, qui étaient des concierges musulmanes, et qui arrivait juste avec le visage comme ça découvert, et qui, en parlant avec elle, en parlant seulement, bah, deviennent des analysantes extraordinaires, et d'une intelligence humaine, intelligibilité d'elle-même, et qui a fait très rapidement des gens, j'en ai eu plusieurs, qui ont beaucoup avancé dans leur vie, et d'autres qui sont des avocats, des machins, et pour qui c'était très difficile de les amener à bouger un peu par rapport à leurs difficultés. Pour moi, est étant donné que j'ai connu des Français en Tunisie, etc., j'imaginais que quand je venais, que c'était la même chose, comme les petits camarades français qui sortaient avec moi, qui me fréquentaient jouer au football avec moi en Tunisie. Mais quand je suis arrivé à Marseille, j'ai vu cette solitude autour de moi, les gens qui passaient sans vous regarder. Et moi, j'étais habitué dans mon pays, quand je sors le matin, je salue les gens. Les gens me saluent, je dis bonjour, même si je ne les connais pas, vous savez. Et même si on s'assoit dans un café, les gens qui sont autour, ils vous parlent. Il y a toujours du soleil, du beau temps, ils vous pensent. Même s'ils ne vous connaissent pas, il y a un lien immédiat. C'est sûr que cette chaleur du Maghreb, de chez nous, je ne l'ai pas trouvée. Ça a été une autre vie pour moi. Je me suis dit que ça ne va pas être facile. Pierre Loti était amoureux d'une Turque, vous savez, Zaïdée. Il a commencé à aimer Istanbul parce qu'il était amoureux de cette Turque. Il a cherché à se convertir dans l'islam, pour vous dire que dans le temps du 18e siècle, il y avait des gens qui se convertissaient par amour pour quelque chose. Et moi, je voulais devenir français et m'insérer dans la société française parce que j'étais amoureux de la langue de la littérature française. Je me suis dit, maintenant voilà, puisque je parle français, je me suis aperçu que le plus que je vais essayer d'apprendre la langue française, le plus je vais essayer d'évoluer dans la langue française, mais ça ne veut pas dire que je suis resté toujours un Mohamed. Mohamed, et Mohamed, et Mohamed, et Mohamed, voilà. Et Mohamed, t'as tout compris. Et Mohamed, c'est Mohamed. Ah, des Mohamed, voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Mohamed, Mohamed, voilà. Mohamed. Voilà. Et c'est en quelle langue ? En français. On a beaucoup d'enfants de migrés qui viennent, on analyse, qui font des analyses, comme tout le monde. Ils ont le background culturel de leur origine, etc. Toute cette problématique de comment, parfois, les parents n'ont pas transmis des clés de leur propre histoire. Il y a des parents silencieux et qui ne veulent rien dire ou qui ne peuvent rien dire. Et les enfants sont devant ce silence effroyable, parfois, pour eux, qui fait un trou comme ça, et dans lequel ils peuvent mettre n'importe quoi et tout. Et surtout, s'ils sont dans des conditions de vie et d'exclusion, eh bien, ils vont y mettre des choses les plus terribles. Parfois, ils ont cette angoisse de se séparer de la tradition de leurs parents et de se poser la question, est-ce qu'ils ne sont pas dans la trahison ? L'immigration n'est pas un bloc homogène non plus. Alors, mon expérience avec la psychanalyse. Saada, analysante. C'est arrivé très tardivement, parce que dans la culture maghrébine, musulmane, on ne fait pas référence à un réparateur de l'âme. Et quand on a un problème ou une dépression, chez nous, on fait plus appel à, pas un marabout, mais un talib qui va essayer d'exorciser le mal qui est en toi. Donc, ce n'est pas quelque chose de courant. Jusqu'à 20-21 ans, j'en avais même pas entendu parler. C'était vraiment un truc à la française, un cliché où tu t'allonges sur un divan, tu parles de toi. C'est des heures perdues, en fait. À partir de 20 ans, j'ai décidé d'aller voir un psy parce que je cultivais un petit sentiment d'infériorité par rapport à plein de choses, bah, mes cultures, mes racines. Je suis la Benjamine donc, d'une famille de 8 enfants, je suis la seule à avoir fait des études, donc j'étais un peu tourmentée entre mon statut de jeune étudiante parisienne, avec des nouveaux amis, avec des nouvelles habitudes, d'aller boire un coup, aller en soirée étudiante, c'était complètement nouveau. C'était une vie complètement différente de ce que je vivais au quotidien, la cité, les amis qui avaient fait un BEP, un CAP. Voilà, donc j'étais un peu perdue et puis dans ma tête, j'arrivais pas à associer les deux. En fait, on a les amis de la fac et on a les amis de la cité. Et c'est deux mondes qui se rencontrent rarement. À la cité, tu as des amis à 90% d'origine maghrébine, africaine, antillaise. Enfin, il y a un mélange, un mixage. Et à la fac, beaucoup moins. T'as le sentiment où tu te dis t'es peut-être pas à ta place, où tu vis mal les choses, je fais des études, donc t'as des discours différents avec les membres de ta famille, et puis il y a le complexe de l'autre qui te dit ouais, ça y est, tu vas à la fac, tu parles avec tes grands mots de dictionnaire. Enfin voilà, c'était tout ça où il fallait que j'arrive à m'accoutumer, et je pensais qu'un psy allait m'aider. Enfin, déjà le premier rendez-vous, c'était un peu étrange où tu dois parler que de toi, donc c'est quand même la culture du narcissisme, quoi. Tu n'en gardes pas un souvenir mémorable parce que je me sentais pas à l'aise. Je cherchais des solutions et j'attendais pas, après avoir exprimé ce que j'avais à dire, j'attendais qu'on me dise, bon, il faut faire ça, enfin, qu'on te donne des réponses. Et en fait, j'en avais pas. Bon, j'ai appris bien après que mes réponses étaient en moi, mais qu'il fallait que je les exprime, mais ça, j'avais pas compris. Et après, aujourd'hui, presque 15 ans après, j'ai emmené mes enfants voir un psy suite à un déménagement assez long. Ça a perturbé pas mal les enfants. Mais t'as eu envie de retourner voir un psychanalyste ? Oui, et du coup, j'ai eu mon premier rendez-vous hier. Du coup, ouais, ça m'a donné envie parce que le fait de voir que le petit, en fait, avait des troubles, ça a amené le psy à me poser plusieurs questions sur moi, mon enfance et des choses que j'avais plus ou moins enterrées. Ça fait ressurgir ce vieux complexe d'infériorité par rapport à mes origines, par rapport à le rapport aux autres, le rapport à l'étranger, à la culture étrangère, à la religion. Et aujourd'hui, dans le contexte où on est, qui est très nauséabond, où la parole est raciste, facho, se libère de plus en plus. Et le fait aujourd'hui d'avoir des enfants, ça fait remonter un sursaut d'angoisse. Et du coup, je me suis dit, là, il est temps de traiter le problème. Et hier, c'était le premier rendez-vous, et j'ai réussi à cerner le problème, hein, puisque je le cerne depuis quelques années, je vis avec. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je suis prête à trouver des solutions. Même si j'ai encore un gros doute sur l'efficacité, bon, en fait, je le fais surtout pour ne pas transmettre à mes enfants ce que certainement ma mère m'a transmis. Mais en même temps, je ne me vois pas aller crier sur les toits que je suis une psychanalyste parce que dans mon entourage, ça paraîtrait complètement étrange. Ne serait-ce que le fait que mon fils soit suivi, mon mari, il considère ça comme des conneries, quoi. Elle s'appelle Marie-France, elle a tout juste 20 ans et elle vient d'épouser un inspecteur des finances, un jeune homme très brillant qui a beaucoup d'espérance. Mais depuis son mariage, chacun dit en la voyant, bourrée de complexes, elle a bien changé. Faut la faire psychanalyser chez un docteur pour la débarrasser de ses complexes à tout casser, sinon elle deviendra cinglée. Et peut-être que nous, dans nos cultures, en fait, Ilham Taoufiki, journaliste, on a plutôt tendance à gommer tout ça, gommer les individualités. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, on n'avait pas le droit d'avoir d'état d'âme, en fait. Les états d'âme, ça venait polluer la vie de famille, en fait. Donc on devait être un tout familial. Mais on ne pouvait pas être une individualité propre. Et je pense que dans ma culture, dans le milieu dans lequel je viens, faire une psychanalyse, c'est reconnaître et revendiquer son individualité au détriment de l'attribut du clan. Je pense qu'il faut être suffisamment indépendant intellectuellement et moralement pour pouvoir faire cette démarche. Bourrée de complexe, elle est dérangée. Il n'y a rien à espérer, il n'y a vraiment qu'à la laisser crever. Tout ça parce qu'elle a épousé un coquelicot déjà fané. Encore maintenant, hein, c'est considéré comme du zèle. Saada, analysante. Comme des caprices, quoi. Des caprices pour ceux de ma génération. Tu vois, elle a besoin d'un psy, puis quoi, un coach personnel aussi. Tu vois, c'est vraiment un truc pour une certaine élite qui a besoin de se regarder le nombril. Alors si je racontais ça à mon père... limite, il penserait que je serais possédée, quoi. Si t'as un problème, va voir un médecin, il prend un cachet, un doliprane et tout va mieux après, quoi. Mais les blessures de l'âme, pour eux, ça se soigne avec la foi, ça se soigne avec un marabout à la rigueur. Voilà, c'est comme ça qu'on redresse l'âme, généralement. Pas avec un psy. Psycho 2000, quelquefois, point la vie nous sourit. Et on a envie de fouiner un peu dans le passé. Psycho 2000, c'est rapide, c'est vite fait. Olivier, vous avez un fantasme originaire? Ce que je peux vous raconter, c'est simplement un rêve que j'ai fait. Simplement, je vais vous demander de parler plus distinctement. Bien sûr. Sinon, je n'entends pas. D'accord. C'est un rêve, donc, que j'ai fait. Parce que je ne m'occupe pas des problèmes de diction. Hein? Mmh. Je suis psychanalyste. D'accord. C'est important. Très bien. Et j'étais en pyjama, je regardais maman dans son lit. Vous n'allez pas raconter des saloperies sexuelles ou des choses comme ça, parce que j'en ai entendu toute la journée, et là, il y a un moment, ça va deux minutes. Hein, j'aime mieux prévenir. D'accord, non, allez-y. C'est pas ça, hein. Voilà, non, j'aime mieux prévenir. Je vous rassure tout de suite. Hein, je suis psychanalyste, je ne suis pas une poubelle de l'âme. D'accord. Je regardais maman. J'étais dans les voies. Je regardais maman. Je regardais ma maman. Ma maman à moi. Voilà. Je la regardais qui dormait dans son lit à baldaquin avec des colonnes. En quoi ça peut m'intéresser? C'est quand même malheureux. En quoi vous croyez que ça peut m'intéresser, moi? Est-ce que je vais vous raconter, moi, si je regarde ma mère à poil qui fait du vélo dans... Bon, foutez-moi le camp! Foutez-moi le camp, j'en ai ras-le-bol! C'est malheureux! Je crois qu'il y a un mal. Bon, non, mais... Il y a un mal. 1500 francs, c'est en liquide, et vous allez voir ma secrétaire. Ça va deux minutes, les conneries, mais à un moment donné, faut arrêter. Je m'appelle Abdel Atayan, j'ai 43 ans, j'ai vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 25 ans, dans une petite ville qui s'appelle Salé. Et en France, je vis depuis 1999, donc ça fait presque 18 ans. Je dirais que je suis devenu écrivain parce que j'ai admiré la façon qu'elle avait de mettre en scène nos vies, notre quotidien. Ma mère, elle vivait dans une sorte de logorée, elle pensait en parlant. On avait accès à toute sa psychologie, à toutes ses stratégies, à son passé en permanence. C'était comme une radio devant nous, en permanence, allumée. J'ai vécu toute ma vie, au moins deux réunions hebdomadaires, où ma mère, elle faisait les stratégies familiales, les stratégies par rapport au quartier, devant nous. Celui-là, on lui dit ça, celui-là, il faut mentir à lui, qu'est-ce qu'on fait pour séduire le marchand de légumes, pour séduire le boucher, pour qu'il nous donne des provisions, parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc, ces stratégies de la parole, de ce qu'on doit dire, de ce qu'on ne doit pas dire, se trouvaient déjà autour de moi. Évidemment, je ne pouvais pas, moi, exprimer mon intimité ou bien avoir accès à l'intimité de mes sœurs par la parole. Mais les corps tels qu'ils étaient à côté de moi, ils exprimaient beaucoup de choses. Et j'ai appris très tôt que les mots, les paroles, la liberté par la parole, c'est pas quelque chose d'a priori satisfaisant, que ce n'est pas ça peut-être le but ultime. C'est un peu bizarre pour moi de le dire, hein, aujourd'hui, alors que je suis écrivain. Ma mère, tu vois, elle n'avait pas peur de passer pour la mauvaise personne, la dictatrice, la manipulatrice, la méchante, la sorcière. Elle n'avait pas peur de ça. Et ça me fascinait et je l'admirais pour cela. Cette capacité à avoir une vision du quartier, donc le monde, qui sont les ennemis, qui sont les amis, qui sont les alliés, et comment on va faire pour naviguer autour de ce monde, pour sauver notre peau, pour avoir de quoi manger, et s'il faut faire le mal, s'il faut aller entreprendre quelque chose de l'ordre du mal, s'il faut aller chez les sorcières, ne pas respecter ce que l'islam ou Allah a dit, ce n'est pas grave. Donc je pense d'une certaine façon que l'écrivain que je suis devenu, il est dans la continuité de cette voix, impitoyable, mais en même temps quelque part juste, de ma mère, qui s'est imposé à tout le monde. Et quand on est femme, marocaine, arabe et tout ça, avec tout le cliché qu'on a sur les femmes arabes et musulmanes, ce sont des clichés à la fois, comment dire, où il y a une partie de vérité, mais en même temps, il y a une partie fausse. Une partie de vérité parce qu'effectivement, les lois sont contre les femmes dans le monde arabe, ça c'est quelque chose d'indéniable. Les lois et certaines traditions. Mais dans l'intimité de ce qui se passe, les femmes, moi j'en suis le témoin direct, ne se laissent pas faire. Même quand elles ne gagnent pas, elles ne se laissent pas faire. C'est elles qui ont le vrai pouvoir. Le pouvoir caché, le pouvoir jamais compris par le pouvoir officiel ou bien par la vision occidentale du monde arabe. Le pouvoir de transmettre la sensibilité, le pouvoir de transmettre même les névroses et les djinns. Donc moi j'ai l'impression que l'écriture en moi, elle est passée par ça. Quelque chose qui est dans mon corps, oui, une forme de possession. Ma mère est en moi. J'ai deux amours, mon pays et Paris, par toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle. Ce qui m'ensorcelle, seul sait Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. Les deux amours. Paris. Je vis en France, je suis arabe, je suis musulman, je suis pédé. Et on attend de quelqu'un comme moi un certain discours, une certaine pensée banalisée, aseptisée, juste pour que la France m'aime. Abdel Ataya, écrivain et réalisateur. Moi, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas être ce Français-là, cet arabe-là. Et je me sens totalement solidaire de tous ces musulmans, français musulmans, qu'on est en train aujourd'hui d'étouffer et de coloniser de nouveau. Aujourd'hui, moi, la censure, je la mets là, par rapport à moi. Ne pas avoir peur de ça et d'affronter ça. Ne pas avoir peur d'être précis sur ce qu'on est et sur ce qu'on est en train de nous faire. Mais ça, tu l'as découvert en arrivant en France? Non, ça s'est accentué de plus en plus, je dirais, depuis le printemps arabe. Avant, j'étais comme plein de jeunes arabes homosexuels en France. Ils ont envie de faire plaisir à la France, faire plaisir à tous nos amis bobos et de citer les bonnes citations. D'ailleurs, je les apprenais par cœur, Roland Barthes et ce qu'a écrit ou a dit François Truffaut ou bien Robert Bresson. J'apprenais les titres des films par cœur, j'apprenais des choses par cœur parce que je savais qu'il fallait briller en France, on est en France. Pour qu'on soit accepté, il faut passer par l'intellectualisme, les livres, la posture intellectuelle, la pose. Mais évidemment, plus les années passaient, plus je me rendais compte que j'étais dans cette posture, que je ne parlais pas de ce qui était moi réellement. Ça ne m'éloignait pas de moi. Je suis toujours avec mes origines arabes, parce que c'est une histoire, c'est une sensibilité, et que je le veuille ou pas, c'est en moi. Et d'ailleurs, je ne veux même pas les éloigner de moi. Non, ce qui se passait, c'est que je me rendais compte qu'il n'y avait pas d'espace en France, même avec mes amis les plus proches, même avec les gens avec qui je faisais l'amour, pour dire cette sensibilité arabe et musulmane, pour dire même la religion musulmane en tant qu'histoire et sensibilité. J'avais l'impression que tout ça était anecdotique, et c'est jusqu'à aujourd'hui anecdotique pour plein de gens. Alors du coup, je me retrouvais dans une forme d'emprisonnement comme celui dans lequel j'ai vécu au Maroc en tant qu'homosexuel. J'aimais ma mère, j'aimais mes sœurs, je me sentais tellement proche d'elles, mais en même temps je ne pouvais pas totalement me dire moi. Et en France, c'était un petit peu quelque chose de même ordre. J'étais tellement content d'être avec ces Français, de voir les films de Claire Denis avec eux, de discuter les films de Claire Denis avec eux. Mais dès que je parlais d'Oum Kalthoum et de Abdel Halim Hafez ou bien de Taha Hussein, j'avais l'impression comme s'ils étaient devant un beignet avec trop de sucre et trop de miel qu'ils allaient manger pendant 5 minutes et après il fallait passer à autre chose. Et ça, évidemment, ça fait mal parce qu'on est quand même des êtres constitués d'une histoire. Donc on ne peut pas totalement faire abstraction de notre histoire passée pour faire plaisir à ceux qu'on fréquente dans le présent. Selon vos observations, parce que vous avez beaucoup travaillé sur le terrain et avec ces personnes oui. issues de l'immigration, je voulais savoir comment se comporte l'immigration en France face à la psychanalyse. Parce qu'on entend souvent que en fait, la psychanalyse est une culture du colon réservée à une certaine élite. Culture du colon, la physique c'est la culture du colon, la chimie c'est la culture du colon. L'organisation politique que ces États-là sont est une organisation du colon. Les routes, les autoroutes, les voitures, les frigidaires, ce qu'on regarde à la télé. Et 90% de la culture des pays musulmans, c'est une culture de l'ex-colon. Fethi Ben Slama, psychanalyste. Est-ce qu'on a fait intervenir le colon là où quelqu'un doit s'interroger sur lui-même et se poser la question « que suis-je, qui suis-je, etc. » C'est bizarre. Là où il n'y a plus quelque chose à consommer, facile. On dit, ah, est-ce que c'est pas la culture du colon? Quand il s'agit de penser, ah, est-ce que c'est pas un concept du colon? Mais l'humanité travaille avec 90% des notions, des outils, etc., que l'Occident, qui n'est pas que colonial, mais qui a eu un rapport colonial de toute puissance avec d'autres pays, a instauré. Le colonialisme a été un fait de l'histoire, mais le colonialisme a déclenché quelque chose dans le monde musulman, qui a fait que le monde musulman est entré dans une autre phase de son histoire. Il a subi la domination, l'humiliation, l'exploitation, on est d'accord. Mais ça a déclenché quelque chose qui fait que, aujourd'hui, le monde musulman est dans une renaissance. Et c'est ça qu'on ne veut pas voir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que si j'ai une religion, si je crois en quelque chose aujourd'hui, c'est en la psychanalyse. Ilham Taoufiki, journaliste. Pendant très longtemps, j'ai été pratiquante, croyante, mais finalement peut-être par dépit, parce que à la maison, on faisait le ramadan, on classifiait les choses entre ce qui était péché, ce qui ne l'était pas. Même si je viens pas d'une famille ultra pratiquante, ultra croyante, hein. Je t'ai dit, il n'y avait absolument pas de place pour les états d'âme ou pour la lecture psy d'un comportement. Moi, j'étais phobique de la nuit. On ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi j'avais une phobie de la nuit. La réponse toute faite de ma mère, c'était que ma tante m'avait jeté un sort. C'est vachement plus facile. C'est toujours des éléments extérieurs, en fait, qui viennent s'aborder le quotidien. Et c'est vrai que j'ai gardé cette espèce de superstition. En même temps, aujourd'hui, moi, ces lectures-là, ça ne me convient absolument plus. Non, si je ne dormais pas la nuit à un moment donné dans ma petite enfance, aujourd'hui, je sais pourquoi. Et je ne pense pas que ce soit ma tante qui fait de la sorcellerie dans son bidonville à Casablanca, quoi. Ça, j'y crois absolument pas. Aujourd'hui, tu vois, j'ai 38 ans, que si tu veux, ces deux croyances, cette croyance en la psychanalyse et cette superstition que je peux avoir, cohabitent de manière très raisonnée. Hein. Et ce que j'adorais chez mon ancienne psychanalyste, c'est qu'elle acceptait totalement que les deux cohabitent. Je ne vais pas gommer ma culture et l'environnement de croyance dans lequel j'ai grandi, ça fait partie de moi. Je crois en la sorcellerie, enfin, ça dépend des moments, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, moi à 38 ans, je suis un pur produit du travail psychanalytique que j'ai fait, quoi. Sans ça, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui, ça c'est sûr. J'ai vraiment trouvé, moi, ma voie dans la psychanalyse. Et la psychanalyse, c'était une façon pour moi d'être ce que je suis intégralement, en fait, d'être libre. C'est pas l'islam, mais la psychanalyse, c'est la culture musulmane de laquelle on vient, cette espèce de groupe uniforme, monolithique, qui se confronte à la trajectoire individuelle, quoi. Et des fois, c'est antagonique. Encore, elle m'a rien appris de l'islam. Moi, ma mère, elle le regrette de rien avoir appris, elle-même. Donc vous, vous connaissez rien d'islam? Moi, je connais rien du tout. Elle connaît rien, elle connaît rien. Elle le regrette en mortel. C'est une honte de ne pas le faire. Quand on mange même à l'école, quand on mange devant quelqu'un, un arabe pendant le ramadan, une espèce de sale arabe, tu fais même pas le ramadan, la honte, la chouma et tout. Tu fais tailler, quoi. Non, faut dire qu'on habite en France et qu'on s'est un petit peu adapté à... Comme Pâques, c'est un jour férié, bon, on cache des œufs. Quoi ? C'est un jour férié, mais on le fait, hein. On a des cadeaux. Bon, c'est leur tradition, ça rentre pas dans leur religion. Mais bon, c'est un petit peu adapté. C'est vrai que Noël, en fait. On a notre âme et on a notre corps. C'est deux choses qui s'affrontent. Il y a des choses qu'on arrive à dire simplement. Saada, analysante. Et si Dieu nous a créés avec des émotions, c'est pas anodin. Donc, il a aussi créé Freud et c'est foncièrement lié. Après, peut-être que... En tant que musulmane, on peut se dire que la religion, la foi, devrait tout résoudre. Mais il faut croire que moi, la religion ne me donne pas toutes les réponses. Et en fait, je me dis que le destin, comme on dit que tout est écrit, Dieu a voulu aussi que je m'oriente vers un psy, donc c'est ma destinée. Et t'as pas peur que ça t'écarte de la religion ? Non, non. La religion, c'est une évolution spirituelle qui peut m'emporter et qui m'évade. De toute façon, la religion, elle est en moi. D'ailleurs, comme mes réponses. Donc, quelque part, c'est vraiment pas deux choses qui s'opposent. Au contraire, elles se complètent peut-être. Il ne faut plus parler de la religion. Fethi Ben Slama, psychanalyste. La religion n'est pas séparable de la société. Ça n'existe pas, la religion toute seule. Culture, religion et société, c'est vraiment très mélangé. Il n'y a que dans le monde sécularisé que la religion s'est détachée et la culture n'est plus religieuse. Mais dans le monde musulman, c'est mélangé. Il n'y a pas eu cette séparation qu'a imposée la sécularisation, et notamment la sécularisation à la française. La religion, c'est la vie des gens, la société, etc. D'ailleurs, moi, je pense que le concept de religion, il n'est pas très bon. Il faut parler de la foi, le phénomène de la fiduciarité. Et les gens qui vous disent « il faut réformer la religion », il faut leur rire au nez. Qu'on me donne des exemples où ce sont des théologiens qui ont réformé la religion et ça a tout changé. Ça n'existe pas. C'est parce que les sociétés changent que la religion change. C'est pas l'inverse. Donc, c'est en changeant les sociétés musulmanes que l'islam va changer et non pas l'inverse. Vous faites des gens qui sont des sujets, qui se portent mieux, qui sont plus éduqués, qui ont du boulot, qui ont de l'instruction, etc. Et la religion va automatiquement changer. C'est pas les théologiens qui changeront nos sociétés. Le changement sera politique. Ici, ce n'est pas l'Église qui a changé toute seule. On l'a poussée, acculée, pour qu'elle change. Il existe un mot coranique qui est le plus important à mes yeux, qui dit que Dieu ne changera pas l'état d'un groupe ou d'un peuple si les gens ne se changent pas eux-mêmes, ne changent pas psychiquement. Nafs, c'est le terme qui est utilisé, c'est ça. Toutes ces histoires, c'est de la blague. Quelles histoires, Michel ? La psychanalyse. Oh, je commence à en avoir assez. s'étendre sur un divan pour raconter des histoires idiotes. Si vous croyez obtenir un résultat en me faisant bavarder sur ce qui m'est arrivé dans mon enfance, c'est grotesque. Mes patients, généralement, me regardent comme un fléau au cours des premières séances. Ah, je connais la chanson. C'est mon inconscient qui se révolte. Il ne veut pas que je guérisse. C'est cela. Votre inconscient se complaît dans la névrose. C'est à moi d'en trouver la raison exacte. Quand vous saurez pourquoi vous faites ce qui est néfaste pour vous et quelle en est l'origine, alors vos troubles cesseront tout seuls. Vous pensez que je vous cache la vérité? C'est en général ce qui se passe. Je me méfie de la psychanalyse telle qu'elle est développée en Occident. Abdel Ataya, écrivain et réalisateur. Non pas qu'elle soit une mauvaise chose, parce que je pense qu'elle sauve réellement plein de gens ici. Mais je n'aime pas du tout cette chose que je ne cesse d'entendre depuis que je suis arrivé en France. Dès qu'on parle à quelqu'un, qu'on essaye d'ouvrir son cœur et de réellement dire ce qu'on a dans les tripes, ce qu'on trimballe avec soi comme chose pas réglée du tout et qui vous tue, il finit par vous dire « Ah, mais tu dois consulter. Ah, je te donne, voilà le numéro, voilà quelqu'un. » Et cette façon que la psychanalyse devienne juste une forme de marchandisation de nous-mêmes, je n'aimais pas cette idée dans le rapport humain entre les individus ici que les gens ne se sauvent pas les uns les autres. Et que ça finisse toujours par dire « Ah oui, oui, mais tu devrais consulter. » Moi, j'aime et j'aspire, même si ça n'arrive pratiquement jamais, à quand je suis avec quelqu'un, que ce soit dans le cadre amical ou sexuel ou politique, que ce qui se passe entre nous, dans le moment, que c'est ça ce qui m'aide réellement. Non pas que cette personne va trouver les ressorts de ma névrose et les analyser en pensant à Lacan et machin, tout ça. C'est pas à cela que j'aspire. J'aspire à ce que pendant un moment précis, quelque chose de l'ordre de la communion des âmes se passe. Or, j'ai l'impression ici que l'individualité, en Occident, elle est quand même poussée vers un certain isolement, donc poussée vers le cabinet du psychanalyste. Je sais que je suis un très bon sujet pour un psychanalyste, je n'en doute pas. Et au fond, l'idée de faire une psychanalyse, je ne suis pas contre. J'avouerais même que j'ai essayé 3 fois. Mais pour être totalement franc, à mon avis, je ne suis pas tombé sur les bonnes personnes, parce que j'avais l'impression que face à ces psychanalystes, qui étaient tous des Français hommes blancs, il fallait que je fasse par l'explication de mon histoire arabe, le Maroc, et que j'enlève tous les clichés qu'il y a dessus, juste pour que la psychanalyste comprenne c'est quoi mon problème. J'y suis allé à chaque fois, une seule fois, je voyais qu'il y avait trop d'obstacles entre nous. Pas de l'ordre de la culture, mais je dirais quelque chose de l'ordre du politique que je ressentais dans la société française en tant qu'élément politique qui m'entrave, que je retrouve même chez le psychanalyste. Et est-ce que tu penses si tu avais pris un psychanalyste qui était de ta culture, où tu n'aurais pas à tout expliquer, ça aurait pu t'aider? Non, parce que j'ai l'impression que beaucoup de psychanalystes, tous les gens qui sont dans ce domaine, sont un peu des bourgeois. Et il y a quelque chose de l'ordre du statut social qui prime et qui fait que il faut quand même adhérer à ce cadre bourgeois pour jamais réussir à dépasser ça. Et donc j'ai rencontré des psychanalystes d'origine arabe et tout ça, et j'ai trouvé en eux les mêmes tics. Bizarrement, j'y crois pas encore. Parce que je pense que la réponse, elle est en moi, donc c'est quand même un échec, quelque part. De pas trouver les réponses si elles sont en moi. Parce que quand même, ce problème-là, je l'ai depuis une quinzaine d'années. Je sais le sentiment que j'ai, je sais pourquoi. Je sais que c'est lié à ma mère, je sais que c'est lié à la guerre d'Algérie, mais il y a un blocage. Donc quelque part, c'est un échec. Enfin, il y a des millions de personnes qui suivent pas une psychanalyse et qui ont des problèmes beaucoup plus graves, quoi. C'est un peu une médecine pour les riches. Pas les riches financièrement, mais pour ceux qui vont tenter de croire que ça va résoudre un problème. Et qui ont le temps, un peu l'argent, parce que c'est pas donné. Je pense que quand tu te poses des questions pour payer ton loyer, tu vas pas passer ton temps à parler avec quelqu'un. Moi, j'arrive pas à penser que simplement en s'allongeant là-dessus, sur ce divan, et en déblatérant pendant 10 heures sur son passé, on arrive à, je sais pas comment dire, réparer des plaies. Je suis pragmatique, vous comprenez ça? Moi, je suis concret. Donc, tous ces machins d'envoûteurs, de gourous, c'est pas mon truc. Je suis le contraire d'un naïf. Je ne crois qu'à ce que je vois, moi. Là, vous vous dites, le mec va très très mal, c'est ça? Alors, il va très très mal, donc il vient ici, et il s'avoue pas qu'il va très très mal, alors il fait le gars qui va très très bien. Enfin, il met en scène les défenses, comme vous dites, c'est ça, hein? Eh ben, c'est ce que vous vous dites, non? Non, non. Je vous écoute. Aujourd'hui, je suis dans l'incertitude. Je suis prête, aujourd'hui. Mais je pense qu'à chaque rendez-vous, je vais me demander si je vais y aller ou pas. Pourtant, je sais que ça peut me faire du bien, mais en fait, j'ai hyper peur. C'est peut-être pour ça que toutes ces années, j'ai pas été. T'as peur de quoi ? Bah de moi. Des monstres qui pourraient sortir, des choses que t'as enterrées, que t'as pas voulu voir. Il y a en fait des moments de ta vie que t'as pas voulu ou que t'as fait en sorte de pas voir. Et tu dis, ouais, j'ai fait un blackout. Mais en fait, c'est pas que t'as fait un blackout, t'as juste tiré le rideau parce que c'est trop horrible de les voir. Parce qu'avant les réponses, il y a des cadavres à déterrer. Et ça, je sais pas comment je vais pouvoir les gérer. C'est un peu la boîte de Pandore. Qu'est-ce qui va sortir ? Est-ce que tu vas te sentir bien après ? Et comme je suis quelqu'un d'assez objectif, de rationnel, j'attends des réponses. Mais si j'ai des réponses qui me rendent encore plus dingue qu'aujourd'hui, ce serait un échec. C'est tout nouveau en même temps. Hein. Mais est-ce que je lui fais confiance ? Je sais pas, parce qu'en ce moment, j'ai pas trop confiance en l'humain. C'est marrant parce que quand je parlais de racisme, etc., je me demandais si elle n'était pas raciste. Parce que maintenant, on en a partout, alors je me dis, est-ce que elle est peut-être aussi membre du Front National ? Alors comment elle pourrait avoir un jugement sur moi ou... T'as pas essayé de chercher un psy qui avait les mêmes origines que toi ? Non, mais je sais qu'il y en avait un à choisir, Rebeu, et mec. Parce que je pense qu'il aurait eu le même problème que moi. Et peut-être qu'il est suivi aussi. Non, mais... Est-ce que c'est pas lié à mon complexe d'infériorité, hein, de pas me tourner vers des gens de ma communauté qui partagent les mêmes origines que moi ? Pour moi, c'est une preuve de courage. La psychanalyse, c'est la capacité à travailler sur soi, en tous les cas suffisamment pour te dire que c'est pas la faute des autres, même si t'as des squelettes dans le placard, t'as eu une enfance compliquée. Effectivement, t'as été une victime, mais tu peux t'extraire de ce statut-là à partir du moment où toi-même, tu décides que tu es maîtresse, en fait, de ta destinée et de tes émotions et de ton passé. Des choses que tu peux mettre de côté, des choses que tu peux régler. Et que tout ce qui t'arrive, finalement, c'est de ton fait. Donc c'est génial, en fait, quand tu te dis ça, c'est que tout ce qui t'arrive ou ce qui ne t'arrive pas, c'est de ton fait, quel que soit ton passé, finalement. Parce que tu as le pouvoir de te transformer, en te transformant, de changer l'environnement et de changer les autres, finalement. Moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus. Je sais, j'ai mille raisons pour me sentir bien. Pourquoi j'ai ce goût amer qui me vient de loin. Je la vois leur vie en rose, mais j'y crois plus. Au fond, je crois que je suis comme toi, j'en peux plus. À me demander chaque jour ce que je ferai demain. À me demander encore si c'est le bon chemin. Et où est-ce qu'elle va, cette route ne mène à rien. Mes doutes et mon destin, j'en peux plus. De mes doutes et mon destin, j'en peux plus. Au fond, je crois que je suis comme toi, j'en peux plus. Vous pensez qu'il y a une psychanalyse orientale qui voit le jour ? Non. Je crois qu'il y a des psychanalystes pour le moment, comme ce qui s'est passé dans d'autres domaines, qui ont été formés en Occident, comme il y a eu des physiciens et des ingénieurs, et que ces gens vont former d'autres personnes, ces gens vont s'adapter à leur milieu, ils vont être à l'écoute de la demande des gens, et ils vont construire des pratiques en fonction d'eux. Je ne peux pas vous dire comment ça va être, mais moi, ce que je sais... C'est que, par exemple, en Tunisie, qui est mon pays d'origine, je me sens français, mais je suis tunisien aussi, je suis très bien accueilli partout, dans la presse, les gens lisent mes livres, ils sont intéressés, je connais quelques psychanalystes qui travaillent. Et plus cette conception scientifique du monde s'installe, alors conception scientifique qui vient aussi avec la modification du rapport de l'individu au groupe. Cette solitude de l'individu est une invention de la modernité. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de cette solitude. Et j'ai pas d'inquiétude sur le fait que ça prendra sa voie. Je suis pas défenseur d'un dogme, je suis pas défenseur d'une religion, je suis défenseur d'une pratique qui se fonde sur l'hypothèse de l'inconscient et qui évolue déjà en Occident et qui sera appelée à évoluer et qui reprendra son chemin dans le monde musulman, comme la littérature, elle a pris son chemin, comme les arts ont pris leur chemin. Donc toutes ces questions-là sont des problèmes de frileux et de gens qui ne voient pas l'envergure des événements que nous vivons et l'importance de ce qu'on appelle aujourd'hui monde musulman, 1,5 milliard de personnes, des sociétés multiples, des puissances, des États, une jeunesse jaillissante, dont une partie d'entre elles est détournée dans la violence, bien sûr, et surtout dont les États ne s'occupent pas suffisamment. L'islamisme lui-même, la religion, n'est qu'un élément qui est en train de se relativiser petit à petit, parce que les gens, ce qu'ils vont chercher, et les révolutions dans le monde arabe, étouffées bien sûr, mais ils reviendront, l'ont montré, ce qu'ils vont s'intéresser, c'est à leur qualité de vie, à leurs droits. Les manifestations pendant le printemps arabe n'étaient pas des manifestations religieuses, quand même. Peut-être qu'on assistera à ça dans quelques années, le retour du printemps arabe, mais il reviendra. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je pense qu'il y a une évolution de ce monde qui est inéluctable, et dont le sort est lié à l'ensemble du monde, et pas seulement à elle seule, et qui va développer ses propres inventions. C'est une humanité qui s'est réveillée assez tard, finalement. Avec le psychanalyste Fethi Ben Slama et la journaliste Ilham Taoufiki, l'écrivain Abdel Ataya, Hakima, retraité, Saada, responsable des ressources humaines, et la participation de ma mère, Mariam Delram, et mon frère, Nabil Boutata. Islam sur le divan, un documentaire de Seham Boutata, réalisé par Alexandra Longuet, mixage Vincent Venet. Avec le soutien de Gulliver, une initiative conjointe de la SACD, la SCAM, la RTBF, la SACD France, la SCAM France, la SSA, Proliteris et la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Analyser psychanalyste, freudien, lacanien, LSD, c'est tout pour cette semaine. Pour installer un divan en Orient, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour le voyage ou nous réécouter à Tizi Ouzou, eh bien, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, à la page France Culture Documentaire, et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et la semaine prochaine, nous irons voir si le salariat bouge encore.